Chapitre 22e, quelques mots sur l'opéra. L'opéra, ce temple du plaisir à Paris, avait brûlé en 1781, au mois de juin. 20 personnes avaient péri sous les décombres, et comme depuis 18 ans, c'était la deuxième fois que ce malheur arrivait, l'emplacement habituel de l'opéra, c'est-à-dire le palais royal, avait paru fatal aux joies parisiennes. Une ordonnance du roi avait transféré ce séjour dans un autre quartier moins central. Ce fut toujours pour les voisins une grande préoccupation que cette ville de toile et de bois blanc, de carton et de peinture. L'opéra sain et sauf enflammait les cœurs des financiers et des gens de qualité, déplaçait les rangs et les fortunes. L'opéra en combustion pouvait détruire un quartier, la ville tout entière. Il ne s'agissait que d'un coup de vent. L'emplacement choisi fut la porte Saint-Martin. Le roi, peiné de voir que sa bonne ville de Paris allait manquer d'opéra pendant bien longtemps, devint triste comme il le devenait chaque fois que les arrivages de grains ne se faisaient point ou que le pain dépassait 7 sols les 4 livres. Il fallait voir toute la vieille noblesse et toute la jeune robe, toute l'épée et toute la finance, désorientée par ce vide de l'après-dîner. Il fallait voir errer sur les promenades les divinités sans asile, depuis l'espalier jusqu'à la première chanteuse. Pour consoler le roi et même un peu la reine, on fit boire à leur majesté un architecte, M. Lenoir, qui promettait monts et merveilles. Ce galant homme avait des plans nouveaux, un système de circulation si parfait que même en cas d'incendie, nul ne pourrait être étouffé dans les corridors. Il ouvrait 8 portes au fuyard, sans compter un premier étage à 5 larges fenêtres, si basses que les plus poltrons pourraient sauter sur le boulevard sans rien craindre que des entorses. M. Lenoir donnait pour remplacer la belle salle de Moreau et les peintures de Duramau un bâtiment de 96 pieds de façade sur le boulevard, une façade ornée de 8 cariatides adossées aux piliers pour former les 3 portes d'entrée, 8 colonnes posant sur le soubassement, de plus un bas-relief au-dessus des chapiteaux, un balcon à 3 croisées orné d'archivoltes. La scène aurait 36 pieds d'ouverture, le théâtre 72 pieds de profondeur et 84 pieds dans sa largeur d'un mur à l'autre. Il y aurait des foyers ornés de glace, d'une décoration simple mais noble. Dans toute la largeur de la salle, sous l'orchestre, M. Lenoir ménagerait un espace de 12 pieds pour contenir un immense réservoir et 2 corps de pompe au service desquels seraient affectés 20 gardes françaises. Enfin, pour combler la mesure, l'architecte demandait 75 jours et 75 nuits pour livrer la salle au public, pas 1 heure de plus ou de moins. Ce dernier article parut être une gasconnade. On rit beaucoup d'abord, mais le roi fit son calcul avec M. Lenoir et accorda tout. M. Lenoir se mit à l'œuvre et tint sa promesse. La salle fut achevée dans le délai convenu. Mais alors le public, qui n'est jamais satisfait ou rassuré, se mit à réfléchir que la salle était en charpente, que c'était le seul moyen de construire vite, mais que la célérité était une condition d'infirmité, que par conséquent, l'opéra nouveau n'était pas solide. Ce théâtre après lequel on avait tant soupiré, que les curieux avaient si bien regardé s'élever poutre à poutre, ce monument que tout Paris était venu voir grandir chaque soir, en y fixant d'avance sa place, nul n'y voulut entrer lorsqu'il fut achevé. Les plus hardis, les fous, retinrent leurs billets pour la première représentation d'Adèle de Ponthieu, musique du Piccini, mais en même temps, ils firent leur testament. Ce que voyant, l'architecte désolé eut recours au roi, qui lui donna une idée. « Ce qu'il y a de poltron en France, dit sa majesté, ce sont les gens qui payent. Ceux-là veulent bien vous donner 10 000 livres de rente et se faire étouffer dans la presse, mais ils ne veulent pas risquer d'être étouffés sous des plafonds croulants. Laissez-moi ces gens-là, et invitez les braves qui ne payent pas. La reine m'a donné un dauphin. La ville nage dans la joie. Faites annoncer qu'en réjouissant de la naissance de mon fils, l'opéra ouvrira un spectacle gratuit. Et si 2 500 personnes entassées, c'est-à-dire une moyenne de 300 000 livres, ne vous suffisent pas pour éprouver la solidité, priez tous ces lurons de se trémousser un peu. Vous savez, monsieur Lenoir, que le poids se quintuple quand il tombe de 4 pouces. Vos 2 500 braves pèseront 1 500 000 si vous les faites danser. Donnez donc un bal après le spectacle. Sire, merci, dit l'architecte. Mais auparavant, réfléchissez, ce sera lourd. Sire, je suis sûr de mon fait et j'irai à ce bal. Moi, répliqua le roi, je vous promets d'assister à la 2e représentation. l'architecte suivit le conseil du roi. On joua d'ailes de Ponthieu devant 3000 plébéiens, qui applaudirent plus que des rois. Ces plébéiens voulurent bien danser après le spectacle et se divertirent considérablement. Ils décuplèrent leur poids au lieu de le quintupler. Rien ne bougea dans la salle. S'il y avait eu quelque malheur à craindre, c'eût été aux représentations suivantes, car les nobles peureux encombrèrent la salle, cette salle dans laquelle allait se rendre pour le bal, 3 ans après son ouverture, monsieur le cardinal de Rohan et madame de la Motte. Tel était le préambule que nous devions nos lecteurs. Maintenant, retrouvons nos personnages.